Section 13 de La conspiration des milliardaires par Gustave Guitton et Gustave Le Rouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Un exploit de Tom Punch. Depuis le départ de Tom Punch, l'hôtel de la 7e avenue à Chicago n'avait plus la même animation. Il semblait qu'il manquât quelque chose dans ces vastes halls luxueusement parés et qu'un élément de tristesse se fût glissé dans ses salons, presque toujours silencieux. Aurora, qui d'ordinaire emplissait la demeure de son activité, passait maintenant des journées dans sa chambre. La jeune fille n'avait pas accepté sans colère l'ajournement de son mariage. Son père avait eu grand-peine à lui faire comprendre la nécessité du départ immédiat de Ned Addison pour l'Europe et à ramener un peu de calme dans ses idées. L'amour qu'elle éprouvait pour le jeune ingénieur ne faisait qu'augmenter de jour en jour. L'éloignement de celui qu'elle considérait déjà comme son fiancé la rendait mélancolique et presque taciturne. Elle avait brusquement délaissé ses sports favoris et ne s'occupait plus du tout des travaux de son père. Pendant des heures entières, étendue sur une chaise longue, elle restait immobile, les yeux dans le vague. « Mais enfin, lui disait William Bolton, toi, une fille pratique, une américaine, te laisser aller comme cela? Tu sais bien que ton mariage est en principe une affaire conclue. Dès que Ned sera de retour, tu l'épouseras. « Regarde, je viens de recevoir une lettre de son père. Sais-tu où est Ned en ce moment ?»« À Paris. Ses recherches prennent une bonne tournure. Il ne sera pas un an absent. Ses lettres sont pleines de compliments gracieux à ton égard. Il compte nous revenir avec une moisson de renseignements et de découvertes. De cette façon, dit-il, il sera digne de t'épouser. » Il entrait en effet dans les plans d'Addison d'attribuer à son fils un amour timide pour Aurora et un désir de se rendre digne de sa main. Il était bien forcé d'user de ce stratagème pour voiler le refus formel de Ned. Depuis la scène violente à Skytown, celui-ci n'avait pas fait une seule fois allusion à la jeune fille. Comme il l'avait expliqué à son fils, ce que voulait avant tout le vieil Addison, c'était engager à fond les milliardaires dans leur entreprise, leur faire mettre en jeu de tels capitaux qu'ils ne pussent plus reculer devant l'achèvement de leur œuvre audacieuse. Ils dépensaient, pour en arriver là, une énergie fébrile, une volonté inébranlable. Depuis l'absence de Ned, il avait réuni, sous sa direction, Skytown et Mercury Spark, les deux villes infernales, les usines de la guerre terrestre et maritime de l'avenir. Sa main de fer, sa puissance créatrice se faisait sentir partout. Dans les fonderies, dans les laboratoires, au parc des aérostats, au chantier des sous-marins, il voyait tout, dirigeait tout. Il était le magicien ténébreux de ses stupéfiantes créations. Il restait souvent des journées entières dans son mystérieux laboratoire, en compagnie de Joey, le nègre muet. Qu'y faisait-il ? Tout le monde l'ignorait. Chaque fois qu'une délégation des milliardaires avait visité Mercury Spark, l'ingénieur leur avait interdit l'accès à ce bâtiment, qui, nous l'avons dit, était complètement isolé et de plus protégé par un puissant blocus électrique. « Ceci, avait-il dit, c'est mon secret. Il n'est point encore temps de vous le révéler. » Personne n'avait insisté. On savait qu'Addison, très autoritaire, ne supportait pas la contradiction. À mesure que s'élevaient de nouvelles usines, que se perfectionnait l'installation, l'ingénieur devenait de plus en plus sombre et de plus en plus irascible. C'est qu'il avait un grave sujet d'alarme. On l'avait informé qu'un détective anglais, ayant eu vent de ce qui s'élaborait au milieu des montagnes rocheuses, avait réussi à se faire embaucher comme ouvrier électricien. Il avait travaillé plus d'un mois sans éveiller aucun soupçon. Puis un jour, au moment du départ de Ned pour l'Europe, il avait disparu subitement. Addison avait tout fait pour retrouver ses traces. Il n'y était pas parvenu. combien eût été grande sa fureur s'il avait su que ce détective n'était autre que le mystérieux personnage aux lunettes fumées, le silencieux passager du London. Ned n'avait pas jugé à propos d'informer son père de sa rencontre. Il n'avait eu, sans doute, que des soupçons injustifiés, et depuis qu'il avait quitté Londres, il n'avait pas revu le pseudo-touriste. Au bout d'une semaine consacrée à visiter Paris, le jeune ingénieur avait repris le cours de ses travaux et de ses recherches. Dans un quartier tranquille, derrière les grands arbres du Luxembourg, il avait loué une petite propriété, une maison de 2 étages entourée d'un jardin. Au rez-de-chaussée, une vaste pièce pouvait parfaitement lui servir de laboratoire. Les 2 appartements du premier et du second étage étaient suffisants pour 2 personnes. Le jardin était en friche et planté d'arbres dont les dômes verdoyants projetaient leur ombre sur la maison. Un mur, haut de plusieurs mètres et recouvert de lierres et de plantes grimpantes, isolait complètement le petit domaine. Afin de n'éveiller aucune curiosité, Ned s'était donné comme sculpteur. Il s'était procuré quelques blocs de glaise, des selles, des masses, tout un attirail qu'il avait emménagé ostensiblement. Ses véritables outils, ses appareils, étaient arrivés sans dommage, emballés avec soin. Il avait très simplement meublé sa cabane, comme il l'appelait en riant. Dans ses maisons françaises, il se trouvait un peu déconcerté dans ses habitudes. « Ces Français sont vraiment étranges, » disait-il à Tom Punch. « Ils font des dépenses folles pour orner de sculptures les façades de leur maison et ils n'ont pas seulement d'ascenseur. »« Ni même de cuisine électrique, » ajoutait l'intendant. « Pourtant, ils le mangent d'une façon supérieure et il faut avoir le courage de le dire. En Amérique, nous mangeons mal. » Dire que j'ai vu ici des gens qui s'éclairaient encore avec une chandelle au siècle de l'électricité. D'autres fois, c'étaient les innombrables écriteaux défendant ceci ou cela et apposés un peu partout qui donnaient matière à leur étonnement. Défense de se tenir debout sur l'impérial des omnibus, de descendre des trains avant l'arrêt complet, d'entrer sans permission dans tel endroit, de sortir de tel autre sans autorisation, de marcher sur les plates-bandes des squares. « Vraiment, » s'écriait Ned, « c'est étonnant que ce peuple, qui a toujours combattu pour être libre, soit si peu soucieux de sa liberté individuelle. Nous ne souffririons pas cela en Amérique. Les Français ont toujours l'air d'être en tutelle. » Un jour, au cours d'une promenade, l'ingénieur était entré dans la galerie des machines. Cette année, les 2 salons de peinture et de sculpture s'y trouvaient réunis. Par curiosité, il en entreprit la visite. De salle en salle, à mesure qu'il avançait, c'était un flux, une invasion de tableaux de tous les genres, de toutes les dimensions. Plus il en voyait, plus il lui restait à en voir. Des hommes, des femmes, des monuments, la mer, le ciel, la terre, tout était motif à tableau, et il se trouvait peint, repeint, dépeint en une véritable orgie de couleurs. Il était sorti ahuri, sans avoir visité seulement la moitié des salles. « Quelle somme énorme de travail cela représente !» se disait-il, « et quel nombre incalculable de désœuvrés !»« Ah, on a bien raison de dire que le français n'est pas pratique. » Ferait-il pas mieux d'employer leur temps à fabriquer quelques produits industriels ?» À mesure qu'il s'initiait plus complètement aux mœurs parisiennes, qu'il les étudiait davantage, il se rendait mieux compte de l'attrait qu'exerce Paris sur les étrangers. « Assurément, » disait-il à un vieux professeur de la Sorbonne dont il suivait les cours de chimie, « tout cela est fort agréable, attrayant, je vous concède tous les adjectifs possibles, mais ça manque de sens pratique. » « Pas tant que vous le croyez, » faisait le savant en souriant. « Pouvez-vous me dire où vous en arriverez avec votre vie à la vapeur, mieux à l'électricité ? Vous tuez l'individu. Gageons que dans un siècle, il n'y aura plus de différence entre vous et de merveilleux automates. Oh, vous exagérez. Croyez-vous, pour la majorité des Américains, la vie se résume en une suite d'opérations mathématiques. Vos savants eux-mêmes ne sortent pas de là. Ils dédaignent les idées et les principes pour les faits. Tenez, pour prendre un exemple, votre père, le plus connu des savants américains, votre père ne s'est jamais attaqué à une idée. Il n'a fait qu'utiliser, merveilleusement il est vrai, les grandes théories scientifiques de notre siècle. Nous autres, au contraire, nous cherchons plus loin. Vous donnerai-je comme modèle Pasteur et ses miraculeux travaux sur la fermentation organique et les microbes? Ne nous soucions pas uniquement de ce qui peut recevoir une application industrielle, nous essayons surtout de dégager les grandes lois naturelles, les principes scientifiques qui révolutionneront le monde et donneront un nouvel essor à la pensée humaine. Ces causeries, qui se renouvelaient assez souvent, laissaient toujours Ned un peu perplexe. L'éducation qu'il avait reçue, les années passées à West Point, avait trop influé sur lui pour qu'il sentît la justesse de ses critiques. Néanmoins, peu à peu, il se rendait compte que les milliardaires américains avaient en face d'eux de sérieux adversaires, et que sous leur dehors futile, les Français n'étaient pas aussi peu pratiques qu'on se plaisait à le dire, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis quelque temps, les journaux et les revues scientifiques parlaient beaucoup d'une invention qui, paraît-il, allait changer du tout au tout l'armement des nations européennes. On l'appelait la torpille terrestre. C'était un engin merveilleux, de la grosseur d'un obus, et qu'on lançait au moyen de canons. On le disait muni, de plus, d'un appareil automatique d'un genre tout nouveau et de cartouches chargées d'un nouvel explosif de la puissance duquel rien ne pouvait donner une idée. L'appareil automatique réglait les décharges qui se produisaient chaque fois que, touchant la Terre, l'engin se trouvait transporté à une nouvelle distance au moyen d'un propulseur électrique. Ned Hattison avait en vain essayé d'obtenir d'autres renseignements que ceux, très vagues, donnés par les journaux. L'affaire avait fait grand bruit. On disait même que le gouvernement français avait acheté la découverte et qu'il allait installer, à Enghien, des ateliers de fabrication. Mais rien n'avait transpiré qui pût fournir à Ned Hattison quelque indice sur le secret de l'invention. Il en avait parlé à son professeur en Sorbonne, qui ne lui avait rien appris de nouveau. Les choses en étaient là lorsqu'une circonstance inattendue vint distraire le jeune homme de ses préoccupations. Depuis plusieurs semaines, il avait remarqué une grande jeune fille, d'une beauté sérieuse et presque mélancolique, qui suivait assidûment le même cours que lui. Il se demandait, avec une certaine curiosité, qui pouvait bien être cette jeune personne, aux cheveux bruns, aux grands yeux veloutés, dont l'intelligente physionomie, qu'éclairait parfois un sourire, mettait comme un rayon de gaieté parmi les figures soucieuses et les vêtements sombres des autres assistants. Une timidité involontaire l'avait toujours empêché de s'en renseigner auprès de son professeur. Absorbé depuis son enfance dans des études ininterrompues, l'ingénieur n'avait jamais eu le moindre roman dans sa vie. Il avait, de la femme, une idée toute personnelle. Le mariage ne lui semblait pas seulement une affaire. L'intelligence et la beauté passaient, pour lui, avant le capital. Ce jour-là, il venait de s'installer à sa place. Le cours allait commencer lorsque la jeune fille entra. Vêtue très simplement d'une robe qui laissait deviner, sans les affirmer, ses formes élégantes, elle ne manquait pas d'une certaine distinction native. Elle marchait avec aisance, sans cette raideur presque masculine qu'ont habituellement les femmes à donner à l'étude des sciences. Elle s'assit à côté du jeune homme et déploya une petite serviette de cuir pour y prendre son carnet de notes. Elle eut une petite moue de surprise en constatant qu'elle avait oublié son porte-plume. Très galamment, Ned lui offrit de réparer le petit malheur. La jeune fille accepta, en souriant, le porte-plume qu'il lui tendait. Au cours suivant, ce fut elle qui lui dit « Aujourd'hui, je n'ai rien oublié, monsieur. Je ne mettrai pas votre obligeance à contribution. » À la sortie, ils se trouvèrent ensemble sous le porche de la Sorbonne. Un gros orage venait d'éclater sur la ville. La pluie tombait avec violence. Après quelques paroles banales sur le mauvais temps, ils se présentèrent mutuellement, sans cérémonie. « Ah vraiment, monsieur, vous êtes le fils de l'ingénieur Attison ? Je ne m'attendais pas à une telle rencontre. Je suis, mademoiselle, enchantée de faire votre connaissance, comme disent vos compatriotes. Si j'ai bonne mémoire, votre père, monsieur Goldberg, est lui-même un ingénieur fort distingué, membre de l'Académie des sciences. On parle beaucoup de lui en Amérique. Est-ce que vous deviendriez français ? » fit-elle en riant. « Pour un Américain, vous êtes bien complimenteur. Mais, tenez, ajouta Lucienne Colbert, le voici justement. Vous permettez ?»« Assurément, mademoiselle. » Elle descendit légèrement les quelques marches du portique et vint offrir son front au baiser d'un vieux monsieur à la figure souriante qui venait d'apparaître sous un vaste parapluie. « Quel vilain temps, fillette ! Je suis venue te chercher de peur que tu ne te mouilles. » La jeune fille présenta Ned Addison à son père et lui expliqua comment ils avaient employé leur courte captivité pour faire connaissance. « Oh, mais monsieur, je suis heureux que ma fille me donne l'occasion de vous connaître autrement que par les articles de journaux. J'avais appris votre arrivée, mais il paraît que vous êtes un travailleur et que le monde ne vous voit pas beaucoup. » « Je n'ai guère de temps à dépenser, c'est vrai, mais croyez cependant, monsieur, que je ne suis pas un ermite. La conversation d'un homme tel que vous ne saurait m'être que très profitable et très agréable. »« Vraiment, vous me flattez. Alors, vous offrirai-je de venir, un de ces soirs, prendre le thé chez nous, à l'américaine ?»« Mais oui, monsieur. » »« Venez donc, » fit à son tour Lucienne, dont les joues avaient pris une teinte rosée. « Vous nous ferez à tous deux un très grand plaisir. »« Je ne saurais me dérober à une aussi aimable invitation, » fit le jeune homme en s'inclinant, « d'autant plus que cela me permettra de faire mieux votre connaissance. »« D'ailleurs, si vous le désirez, » ajouta M. Goldberg, « je puis vous mettre en relation avec quelques savants de mes amis. »« Eh bien alors, c'est entendu, » décida Ned, « que surtout, tentez l'espoir de découvrir quelque indication relative à la torpille terrestre. » « Quel jour voulez-vous que j'aille vous surprendre ?»« Mais samedi, si vous voulez. Vous serez au cours ?»« Certainement, je n'y manque jamais. Donc, je vous prendrai à 6 heures, en venant chercher Lucienne. Nous rentrerons ensemble, et je ne vous lâche plus de la soirée. » La pluie avait cessé. Les deux hommes se serrèrent cordialement la main. Ned adressait un salut cérémonieux à la jeune fille, mais celle-ci s'écria en riant. « Voyons, monsieur, et le check-end, qu'en faisons-nous ?» Le jeune ingénieur sourit. « Certainement, mademoiselle, ne sommes-nous pas déjà des amis ?» Et la main gantée de Lucienne vint se placer dans celle du jeune homme, qui la presse, sympathiquement, d'une façon qui n'était pas tout à fait américaine. Deux cochers furent ailés, et les fiacres partirent en sens inverse, au trot un peu fringant de leur bête surmenée. En regagnant son domicile, Ned Addison emportait une agréable impression. La bonhomie souriante de M. Goldberg l'avait conquis. Quant à la jeune fille, il la trouvait délicieuse. Sa grâce un peu mutine, le ton de camaraderie enjouée qu'elle avait prise à son égard, l'avait conquis. Elle était si différente de la femme américaine, dont Miss Aurora incarnait pour lui le type, qu'il la regardait avec une sorte d'étonnement et d'admiration. Cette jeune fille espiègle et sérieuse en même temps, qui tendait avec candeur son front au baiser paternel, qui s'occupait de science pour son agrément, n'était pas doctoresse et ne prétendait pas au professorat, lui résumait assez bien la jeune fille française. Il entrevoyait d'avance où pourraient le conduire ses relations avec M. Goldberg. Réussirait-il, dans ce cercle de savants, à percer le mystère dont s'enveloppait la torpille terrestre ? En tout cas, il se promettait de faire tous ses efforts pour y arriver. On parlait déjà beaucoup de cette invention en Amérique. Son père lui avait écrit, à ce sujet, une longue lettre, le pressant d'employer tous les moyens possibles pour se procurer des renseignements. « Si je ne découvre rien, se disait-il, c'est qu'il n'y aura rien à découvrir. » Une surprise l'attendait chez lui. Une lettre du commissaire de police du quartier l'informait que le nommé Tom Punch, citoyen américain, résident en France pour ses affaires, était gardé à la disposition de la justice en raison d'un délit qu'on ne précisait pas. On le priait de passer au bureau pour prendre connaissance des délits imputés à son intendant. « Qu'a bien pu faire encore cet animal ?» se dit Ned en prenant le chemin du commissariat. « À moins qu'il ne se soit fait arrêter pour ivresse, je ne vois pas trop quel délit il a pu commettre. » Il ne tarda pas à être renseigné. Tom Punch, la veille au soir, avait fait de nombreuses libations en compagnie de plusieurs artistes dans les établissements du quartier latin. Son élégance pachydermique, la drôlerie de ses propos, lui avaient vite conquis, dans ce coin de Paris, une célébrité spéciale. Il tenait tête aux buveurs les plus réputés et payait sans lésiner les piles de soucoupes les plus pyramidales. Vers minuit, passablement gris, il remontait le boulevard Saint-Michel en compagnie de ses nouveaux amis. On lui fit admirer la fontaine de Carpeaux dans les jardins du Luxembourg. « Eh, tenez !» s'écria l'un d'eux, facétieux personnage aux allures de bohème. « Voyez donc comme on a traité l'Amérique. En bronze, mon cher, on n'a même pas daigné la peindre aux couleurs nationales. » Sur tout ce qui touchait à l'art, Tom Punch n'avait que des idées très vagues. « Certainement, » s'écria un autre personnage, « c'est une véritable hérésie. L'Amérique en brun, ce n'est pas l'Amérique. Êtes-vous patriote ?»« By God, si je suis patriote, l'Amérique aux Américains, et même l'univers aux Américains, c'est mon avis. » »« Eh bien alors, vous avez là une occasion unique d'affirmer vos convictions, de montrer à l'univers qu'un Yankee ne laisse pas impunément représenter l'Amérique d'aussi rudimentaire et ridicule façon. » En disant ces paroles, il sortit de dessous ses vêtements un vaste rouleau de toile qu'il déplia avec lenteur. L'intendant ouvrait de grands yeux. Quant aux autres personnages, ils ne réprimaient qu'à grand-peine leur envie de rire. « Mais c'est le drapeau de l'Union ?» fit Tom Punch. Et dans un accès de patriotisme, il se mit à pousser de retentissants hurrahs. Voici ce dont il s'agit, continua l'organisateur de la farce. Il faut que vous grimpiez, orné de ce pavillon, l'effigie de l'Amérique, pour que demain, lorsqu'ils se réveilleront, les Parisiens constatent que les Yankees sont encore patriotes. À cette heure de la nuit, ces parages sont déserts. Les grilles du jardin étaient closes. Mais ce n'était point pour embarrasser des rapins en veine de fumisterie. Ils escaladèrent la légère clôture et transbordèrent le majordome à bout de bras. Inutile de dire que Tom Punch avait accueilli la proposition avec une joie délirante. Il la trouvait toute naturelle et s'étonnait même qu'aucun des Américains résidant à Paris n'en eût l'idée. On lui fit gravir la vasque du bassin et non sans peine, on parvint à l'installer, lui et ses drapeaux, sur la tête d'un cheval de bronze où, en se tenant debout, il pouvait aisément accomplir son œuvre patriotique. Tout entier à son œuvre, Tom Punch ne s'aperçut pas que ses compagnons, qui jusque-là l'avaient encouragé de leur vivat, s'étaient silencieusement éclipsés. La statue avait maintenant une toute autre allure, drapée de larges bandes rouges, semées d'étoiles d'or. Tom Punch se frottait les mains. Mais sa joie fit place au découragement le plus profond lorsqu'il constata qu'il lui était impossible de descendre de son piédestal improvisé et que personne ne répondait plus à ses appels. Il s'assit philosophiquement, les jambes pendantes sur son cheval de bronze et attendit les événements. Ils ne tardèrent pas à survenir sous la forme de deux gardiens de la paix qui, le voyant dans cette position insolite, crurent tout d'abord se trouver en présence d'un fou. Ils parvinrent néanmoins à le remettre sur la terre ferme. Quelques instants après, l'infortuné Tom Punch subissait, devant le commissaire de police du quartier, un interrogatoire en règle. Il venait d'apprendre avec stupeur qu'il était tombé sous le coup d'une loi draconienne sur les dégradations de monuments publics. De plus, le magistrat n'était pas loin de soupçonner, sous cet incident, une affaire politique. Il allait en référer au ministre des Affaires étrangères. « Mais, s'écriait le malheureux, quel mal ai-je donc fait? Puisque c'est l'Amérique, il est tout naturel qu'elle porte des couleurs américaines. » Et il ne sortait pas de là. Les raisonnements les plus spécieux ne valaient rien contre sa logique de patriote. Tom Punch avait été fouillé minutieusement et mis au secret, comme un criminel politique. Le lendemain, tout Paris connaissait déjà l'aventure. Les journaux du matin avaient consacré à Tom Punch une édition spéciale qui s'était enlevée comme par enchantement. Les ministères s'étaient émus. Le téléphone, le télégraphe fonctionnaient sans interruption. Il s'en fallut de peu qu'on ne convoquât, à l'Élysée, les ministres en villégiature. Dire combien, tout en pestant contre la sottise de son intendant, Ned Atisson, du fer de pas et de démarche, nous y renonçons. Du commissariat, on l'envoya à la préfecture, de la préfecture au ministère, du ministère au consulat, où enfin, grâce à son nom connu et à la crainte de faire surgir les difficultés diplomatiques entre la France et les États-Unis, on étouffa l'affaire. Après 2 jours de captivité, Tom Punch fut enfin remis en liberté. Il regrettait amèrement son malencontreux patriotisme et dut encore subir, de la part de son maître, une verte semonce. Mais jamais il ne réussit à comprendre la nature du délit qui avait tant amusé les Parisiens et avait fait de lui un personnage célèbre pendant 24 heures. Fin de la section 13. Lue par Isad, quelque part en France.